Bonjour. Oui, alors tout d'abord, je voulais évidemment remercier l'Université populaire de Tours et M. Patrick Garret de m'avoir invité à cette journée et ainsi pouvoir partager une partie des résultats de mes recherches anthropologiques que je mène depuis déjà une quinzaine d'années autour de la problématique des dynamiques identitaires des personnes dites sans-abri. Ici en France, plus particulièrement, j'ai travaillé dans la région parisienne, dans les départements de Haute-Seine et aussi dans la ville de Saint-Étienne. Avant de commencer, je voulais vous dire que je ne suis pas une spécialiste des sans-abri, je ne suis pas une spécialiste des politiques sociales vis-à-vis des personnes en grande précarité. En réalité, ce que je cherche à comprendre, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas une population de manière différenciée, mais notre monde commun. Ce que nous pouvons apprendre, ce que nous pouvons comprendre des situations de vie extrêmes et qui peut éclairer les pratiques sociales de tout un chacun dans nos interactions quotidiennes. Mes recherches se sont échelonnées du début des années 90 jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu pendant toutes ces années suivre, la naissance ou sa naissance, l'évolution d'un phénomène social devenu question publique à travers une ethnographie dense et compréhensible. Je veux dire, à travers un travail de terrain anthropologique qui cherche à comprendre le sens que les autres donnent à leur propre expérience, à leur propre action. Cette ethnographie a consisté à restituer le point de vue des personnes impliquées par la question du sans-abrisme en France, les intervenants sociaux, les acteurs politiques, mais aussi les habitants des villes en interaction avec les personnes sans-abri. Ce qui m'a permis d'analyser le regard et la réaction sociale entre compassion, discrimination, reconnaissance vis-à-vis de cette population, mais d'abord, évidemment, le point de vue des sans-abri eux-mêmes. J'ai ainsi décrit le système de contraintes et des ressources dans lequel ces personnes sont prises, loin d'être en marge, un petit peu comme justement dit Claire, loin de représenter une pure humanité asociale, les personnes sans-abri sont de part en part le produit de notre société. C'est ainsi que j'ai voulu remettre la question de sans-abri, on pourrait dire, à l'endroit, sur ses pieds, si on peut dire. Les études sur ces secteurs de la population partent en général du déracinement du social. J'ai décidé de partir de l'enracinement dans le social. Je dirais qu'il y a une tendance à partir de ce qui manque aux personnes, alors que d'après mon travail de terrain, il fallait partir de ce qu'il y a chez ces personnes. La question est sur la tête, parce qu'on part de la différence, alors qu'il faut, à mes yeux, partir de la ressemblance. De là que j'insiste sur mon intérêt pour comprendre ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble. Comme vous les avez tous, depuis les années 90, c'est l'homme catégorisé son domicile fixe. Vous savez que c'est une catégorie juridique ou administrative pour désigner les personnes sans résidence stable, qui est devenue l'image en réalité paroxystique de la condition d'exclu, tant dans les discours ordinaires que politiques ou savants. L'image de l'abandon social exprimée par le corps fragilisé de ces personnes, par leur simple présence solitaire sur la voie publique, éclipse en réalité l'éventuelle existence de tout type de lien et renvoie à la représentation d'un homme, je dirais, au bord du monde. Ce profil a mené le porteur des discours théoriques à établir une continuité, je pense que ça c'est important, de cause à effet entre précarité socio-économique extrême, précarité matérielle de vie, et défaillance de la capacité d'être dans le monde. Autrement dit, les catégories qui structurent et permettent la compréhension du monde et l'agir dans le monde, à savoir quelles sont les catégories structurantes, le temps et l'espace, d'après cette vision, seraient fatalement menacées chez les personnes sans-abri. C'est assez courant d'écouter souvent dans le monde du travail social, ils ont perdu leur repère du temps et de l'espace. Leurs actions réduites au coup par coup dans un présent éternel ne trouveraient ancrage ni dans le passé ni dans un avenir possible envisageable. Alors dans cette intervention, je voudrais vous montrer à partir de ma propre expérience de terrain que les conditions d'incertitude matérielle et symbolique auxquelles ces personnes sont exposées constituent certes un événement traumatique, mais n'implique pas forcément la rupture avec les repères fondateurs de l'existence. C'est plutôt, je dirais, cette incertitude qui amène ces personnes à un travail identitaire, qui n'est rendue possible que par la maîtrise d'une temporalité et d'une spatialité de vie toujours active dans des contextes et dans des interactions précises. Je veux dire, ce qui leur arrive n'est pas une non-expérience vide du sens, vide du social. C'est une véritable, je dirais, expérience inédite pour eux, pour nous, face à laquelle les personnes souvent sont perplexes et essayent, entre désolation et une profonde réflexivité, de comprendre leur être là, malgré tout. Je vais procéder en trois volets. Tout d'abord, je présenterai rapidement le regard social posé sur les personnes sans-abri. Ensuite, j'aborderai les implications du temps de vie et du temps biographique des personnes. Et enfin, je parlerai des appartenances sociales malgré tout. Je voudrais éclairer ce terme de malgré tout, parce qu'il y a aussi, c'est l'intitulé de mon intervention, pour éviter des équivoques. Le tout renvoie aux contraintes matérielles, historiques, contre lesquelles, c'est vrai, la lutte est difficile et longue. Le malgré renvoie aux résistances à ces déterminations, aux résistances qui souvent nous apparaissent comme des simples adaptations, des résistances souvent silencieuses, surtout de la part des personnes en situation de grande précarité, et souvent sans succès, mais qui nous rappellent en même temps que céder n'est pas consentir. Commençons donc par quelques mots sur le regard social posé sur les personnes sans-abri. Les personnes sans-abri sont construites, comme je vous ai dit, alors par le regard social et la réaction sociale, comme des sujets insondables en dehors du temps et de l'espace socio-historique. Cette construction n'est pas uniquement de l'ordre des représentations, représentations par exemple héritières des images du vagabond ou mendiant du 18e ou 19e siècle, qui comme une matrice s'est réactualisée aujourd'hui. Elle est aussi le résultat d'une mise en pratique de la négation de ces dimensions fondatrices de la condition humaine. Ce que j'appelle la mutilation biographique, j'y reviendrai, et la mise en public des vies des sans-abri de la part des institutions d'aide ou d'assistance sociale, ainsi que les expulsions et déplacements territoriaux de la part de politiques municipales, souvent, constituent une des pratiques de ces négations identitaires. Voyons. Il faut signaler que depuis les années 80, cette pratique narrative institutionnelle des biographies des personnes en situation précaire s'est mise en place comme une nécessité pour l'application de nombreuses politiques sociales. Dans le domaine du logement adapté, de la résorption des dettes de loyer, dans l'attribution du RMI par les commissions, par les CLI, de l'attribution du RSA. L'explication dominante de ce procédé est que, face à la diversité des situations des personnes nécessitant de l'aide sociale, l'État ne peut plus considérer les seules variables de l'état des personnes pour intervenir, l'âge, les sexes, la situation familiale, les revenus, etc. Ce sont les trajectoires et, comme on dit la phrase, l'expression, les accidents de parcours de vie, qui d'après ce point de vue permettront d'individualiser les actions et d'établir correctement et équitablement l'accès aux droits sociaux. Alors, comme je vous ai dit, à travers une ethnographie, dans ce sens-là, de l'écoute de certains acteurs sociopolitiques réunis pour discuter sur l'attribution des bénéfices sociaux aux personnes sans-abri, j'ai pu constater la mise en œuvre de ces reconstructions biographiques. Dans ces reconstructions biographiques, les événements du passé des personnes sans-abri sont bien souvent absents. Lorsqu'ils sont mentionnés, ils sont relégués du côté du non pertinent au regard d'une politique publique de réinsertion. Les histoires de vie de ces personnes sont ainsi souvent et paradoxalement désocialisées, alors qu'en général, on caractérise ces personnes comme des personnes dans un processus de désocialisation ou désocialisées. Les identités passées des sans-abri, anciens travailleurs, parents, en effet aujourd'hui éloignés, sont ainsi considérés comme des identités interrompues parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans une continuité biographique attendue. Dans cette continuité normative d'une biographie attendue. Pourtant, nous savons que la plupart des sans-abri sont d'anciens ouvriers, parfois qualifiés. C'est que beaucoup d'études et politiques oublient comme s'il y avait, je dirais, un contrôle sur la mémoire sociale. Il faut remarquer que les études sociodémographiques faites par l'INSEE, l'INED aussi, 94, 96, 2001, et on pourrait continuer, montrent cette origine ouvrière ou de travailleurs, des personnes, et également de leurs parents. Tous issus de groupes domestiques populaires, vulnérables, oui, ou qui connaissent la pauvreté de longue date. Ce qu'ils connaissent aujourd'hui, ce n'est que l'extrême du déjà connu. Ils sont certainement inscrits, donc, dans une mémoire sociale qui pourtant leur est dénuée. Finalement, ces acteurs sociopolitiques, au lieu de faire apparaître la personne sans abri, ils la font paradoxalement disparaître par un travail d'individualisation négative et de dépouillement identitaire extrême. Ceci résulte finalement moins une pratique de reconnaissance des particularités de la personne en souffrance sociale, telle que les politiques sociales déclarent, que la production d'une altérisation profonde et la construction d'un autre presque radical, qui finit par construire une humanité, je dirais, différenciable, une humanité marginale. À cette marginalisation sociobiographique s'associent les pratiques d'extraterritorialisation souvent imposées aux sans-abri. Tous savent que la catégorie sans domicile fixe parle surtout de la dispute entre État et les intérêts locaux. Depuis la décentralisation, vous savez tous que les populations en grande précarité sont sous la responsabilité financière de l'État. Mais cela ne peut se matérialiser qu'à travers l'action concrète des communes qui, à leur tour, ne reconnaissent pas ceux qui ne peuvent pas faire preuve d'une domiciliation communale comme étant leurs habitants. C'est ainsi que se met à l'œuvre une pratique de sélection de populations que j'ai pu constater surtout quand j'ai travaillé à Nanterre, dans la commune de Nanterre, à travers un arsenal de règlements de la part de la commune que constitue une frontière invisible fondée sur des critères toujours changeants. J'ai parcouru par des différents services et c'était très intéressant. J'ai demandé à chaque fois qui peut être habitant dans la commune de Nanterre. Alors, un service m'a dit c'est le temps de résidence de la commune, plus de 2 ans, critères de consanguinité, que la famille soit là, lieu de travail. Mais à chaque fois, il y avait une réponse différente. Je dirais, ce que s'est construit, une frontière, surtout pour l'accès aux bénéfices sociaux. Les sans-abri ne pouvant pas répondre, évidemment, à ces critères, ils sont considérés par les communes comme des sans-droit à la cité, des hommes ni d'ici ni d'ailleurs, ça c'était la phrase qu'un adjoint au maire de l'action sociale me l'a dit, des hommes de nulle part, que finalement dépendent d'un territoire presque abstrait, le territoire de l'État, des hommes sans origine, qui ne bénéficient même pas, c'est pour cela que je dis des hommes sans origine, qui ne bénéficient même pas de la caractéristique d'un étranger qui peut se renvoyer à un territoire d'origine. Ce sont des hommes de nulle part. Ils sont ainsi renvoyés, je dirais, à l'universalité de la condition des hommes précaires, qui n'est autre chose qu'une forme de réduction identitaire, encore une fois. Le seul lieu concevable pour ces personnes est un espace humanitaire, en forme d'asile, d'hébergement collectif et anonymisant, des espaces, je dirais, vides d'appartenance locale, des espaces surtout dépolitisés. Face à l'enfermement dans une seule ligne de vie et déterritorialisée, nous verrons, et c'est l'objet central de cette intervention, que les personnes sans abri répondent, je le souligne, en mettant en question ces biographies mutilées, afin de s'extirper de cette humanité en réalité généralisée et indifférenciée, qui ne leur permet pas d'accéder à leur propre singularité, à leur compte à soi. Voyons comment les chercheurs arrivent à comprendre ce processus identitaire. Lorsque j'ai commencé ma recherche, j'ai décidé de rencontrer les personnes directement dans la rue. Dès les premiers mots échangés, j'ai reçu comme réponse une histoire de vie courte, construite à partir d'un événement de rupture avec un des cercles de protection. La perte ou l'accident de travail et les divorces sont exposés invariablement comme les premières ruptures. Le placement institutionnel dans l'enfance, la mort des parents et la prison apparaissent aussi avec une certaine fréquence. Je dirais, au premier événement mentionné, comme dans un processus sans solution de continuité, s'enchaînent dans ces récits d'autres ruptures jusqu'à l'arrivée à la rue. Entre guillemets, je mets la rue parce que c'est un terme quand même très conflictuel. Cette première histoire, en début de rencontre, se raconte souvent en temps pressant ou dans un temps continu. C'est l'histoire du, je dirais, glissement inexorable vers la chute, la rue. Je perds mon travail, ma femme est mise à la porte, j'arrive à la maison et les armoires sont vides, etc., etc. Les événements qui jalonnent ces récits sont uniquement nommés. Ils apparaissent sans densité descriptive et surtout, je dirais, sans lien visible, sans affiliation. Alors, plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette biographisation négative. Des hypothèses que moi j'ai mobilisées, mais des hypothèses qu'en réalité nous partageons presque tous, surtout les travailleurs sociaux, les acteurs impliqués ou concernés par la question des sans-abri. On peut penser que cette histoire est un dispositif de présentation de soi pour établir le premier contact avec l'autre et justifier leur situation actuelle de manière rapide, expéditive. J'ai pensé également à une possible méfiance ordinaire envers moi. C'est une attitude évidemment attendue dans la rencontre de deux inconnus. D'ailleurs, les représentations erronées de ma fonction, croire que je suis une intervenante sociale, pouvait amener les personnes à raconter des histoires de malheur uniquement, des histoires souvent coproduites avec les intervenants sociaux, utiles et sans détail pour légitimer des demandes d'aide, ouverture de droits simplement. Je pouvais également penser que ces personnes ayant traversé une situation de crise à cause des ruptures socio-affectives suivies se trouvent captives d'un état émotionnel qui entrave, qui empêche le contact avec leur passé, avec une temporalité plus profonde. Ils sont ainsi enfermés dans un entre-deux, d'une manière temporaire ou définitive, condamnés à une répétition de la grande catastrophe, prisonnières d'un deuil qui ne trouve pas issue, qui continue. Alors, toutes ces explications et d'autres, parce que je n'ai pas le temps maintenant de développer toutes, peuvent être possibles, mais elles simplifient le problème et réduisent ces histoires à leur aspect négatif. C'est l'histoire de ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas raconter, de ceux qui n'ont plus de souvenirs, c'est l'histoire de ceux qui sont réduits à un pressant de la survie, un pressant des historicés. C'est l'image, je dirais, ordinaire de l'homme sans attache, déstructuré socialement, qui s'impose pour penser son rapport au temps. Cette pensée part de l'idée qu'à une vie non organisée par les activités typiques et attendues de l'homme ordinaire, travail, domicile fixe, famille, etc., correspond nécessairement une désorganisation des références socioculturelles et mentales structurantes de la vie quotidienne, ou que des problèmes préexistants d'ordre individuel, les dites fragilités intérieures, si souvent mentionnées, n'ont jamais permis déstructurer. Je dirais, s'en tenir là, cependant, constitue une violence interprétative, une violence, je dirais, sociologique, parce qu'elle vide les personnes de leur dimension anthropologique essentielle, c'est-à-dire leur temporalité et leur spatialité, et constitue également une violence qui s'associe à la violence des processus de marginalisation sociale que je vous ai commenté tout à l'heure et les renforce. Je focalise donc mon intérêt sur la gestion de l'espace et du temps de ces personnes, ainsi que le sens qu'elles leur attribuent dans leur interaction quotidienne, et ainsi abandonner cette vision désocialisante. Je commencerai par la dimension temporelle et ensuite j'enchaînerai avec la dimension spatiale. Alors, du matin au soir et pendant plusieurs années, j'ai vraiment suivi les mêmes personnes, presque, je dirais, pendant une dizaine d'années parfois. Et alors, j'ai accompagné, observé ces hommes dans leurs activités journalières, me confrontant à la matérialité de leur vie, ardue et constamment exigée par une multiplicité d'activités. J'ai compris ainsi que la simple vie de tous les jours exige une attention particulière pour son organisation et occupe tout le temps, lorsqu'on dépend absolument de soi-même. J'ai parcouru des espaces ressources institutionnels ou plus informels, la récupération, la mendicité comme travail vraiment organisé, les espaces d'assistance et d'aide sociale, à la recherche des solutions de vie, dans un temps qui m'a semblé sans mesure et imposant. J'avais la sensation, j'ai dit toujours, que le temps avait du volume, que nous marchions sur lui. Il faut comprendre que l'immédiateté de la vie dans une situation extrême commande la logistique de l'action et cela installe la personne dans un temps continu. On peut reconnaître des marques dans ce temps qui ne se différencient pas du tout des marques du temps ordinaire de la vie de tout le monde. Il y a le temps du déjeuner, il y a le temps de l'hygiène, il y a le temps de la détente, il y a le temps des démarches administratives, il y a le temps du travail aussi. Mais pour chacune de ces démarches, le temps prend ici une densité particulière. C'est ce qui lui donne cette sensation de continuité. Cette continuité dont l'action qui s'est faite constitue une garantie de vie. Et dans le même mouvement, elle est une preuve de vie. C'est là toute sa densité. Cette vie exige des allers-retours et des déplacements constants. Malgré cela, j'ai pu reconstruire un agenda d'une routine compliquée mais méthodique. Contrairement à l'image dominante du temps routinier, un temps effacé, leur routine vitale densifie le jour en train de s'accomplir et produit du temps présent. Ce temps n'est pourtant pas saisi comme un temps passage entre passé et futur, mais comme un temps en soi, un temps total. C'est un temps qui ne doit pas être interrompu ni par l'avant ni par l'après. C'est ainsi que les personnes expriment leur volonté de ne pas se laisser envahir par des pensées en trop, comme ils disent, qui les projetteraient vers d'autres temporalités, vers le passé par exemple, et les éloigneraient de l'actualité de leurs activités. Le temps devient un bien précieux qui doit être en harmonie avec les déplacements et les besoins de vie. Donc, une routine maîtrisée devient indispensable. C'est complètement je dirais, contraire à l'image que toujours on m'a restituée lorsque je faisais aussi le tour par le monde du travail social et de l'appareil social. La routine des personnes rencontrées est spartiate. L'une des raisons fondamentales en est qu'elle ne compte pas sur des sources de satisfaction des nécessités primaires de vie d'une manière permanente, autonome et à temps indéterminé, je dirais. Tout ce qu'elles obtiennent dépend de leur présence. Le lieu pour dormir est garanti à condition qu'il y soit toutes les nuits. Au vestiaire, on te garde tes freins quand on te connaît, alors il faut être là, pour personnaliser en plus la situation. À la douche, ils nous donnent un horaire privilégié, mais alors il faut le respecter. Ici, il est important de signaler que les sources ne sont fructifères que si les personnes les activent constamment par leur présence continue et en étant à l'heure. Pour les institutions, cette présence assidue est la preuve que les personnes sont, ça c'est la phrase en général qui revient, en situation dynamique. C'est le terme que leurs agents utilisent. Il est le signe d'une mise en ordre de leur vie qui suscite aide ou don en contrepartie. Les personnes qui viennent de manière discontinue de temps en temps sont considérées comme des profiteuses qui font le tour de tous les services sociaux ou des personnes considérées comme sans engagement ou comme en rupture vis-à-vis de l'institution, signe de leur inadaptation ou de leur état de désocialisation. Face à cette attitude intermittente, les institutions réagissent donc en miroir et adoptent un comportement toujours inattendu en demandant une sorte de loi de fidélité pour renouveler le circuit du don. La classification faite par les institutions n'est que l'émergence, je dirais, de la matrice pérenne du pauvre indigne et du pauvre méritant qui gouverne le regard par rapport aux SDF. Les personnes sans abri que j'ai rencontrées ont parfaitement compris cette logique institutionnelle et assurent leur présence avec systématicité. Il faut se montrer dynamique. Cependant, si leur corps se soumet à cette logique exténuante, leur mobile et motivation ne correspondent pas à la classification aux valeurs attribuées par les institutions, le dynamique, le désocialisé, le profiteur. Pour les institutions, être dynamique est lié à la volonté de se montrer coopérative avec la norme et de répondre aux attentes du monde désintégré. Pour les personnes sans abri que j'ai rencontrées, être dynamique implique aussi des actions intéressées, utilitaires, dont ces personnes ne peuvent se dispenser, souvent dépourvues de toute intentionnalité normative. Elles savent que les institutions fonctionnent par le jeu de la contrepartie et elles essayent de jouer le même jeu moral. Elles répondent aux stéréotypes, mais en conservant le silence sur leur intime conviction. Elles cherchent le profit, elles calculent, c'est leur contrepartie face à une vie ou leur droit. Un lieu pour dormir, un ticket pour prendre une douche, un habit si on est ponctuel, sont devenus en réalité objets d'échange. Grâce à cet agenda que j'avais tracé, j'ai compris aussi que les mêmes activités se répètent toutes les semaines d'une manière cyclique, ce qui oblige à avoir une attention extrême par rapport à l'organisation du temps. Plutôt que la perte des repères temporels, j'ai constaté une adaptation à un système qui impose une dynamique souvent désarticulée en termes d'horaires et des logiques d'action, surtout de la part des institutions d'aide, hein, qui reposent souvent sur une logique contraignante de renvoi constant d'un service à l'autre. Ces personnes interprètent et ordonnent sans cesse, inépuisablement, les contraintes imposées comme pour maîtriser le système et lui donner une marque, parfois une marque personnelle. Cette énergie déployée pour l'organisation et l'articulation rythmée d'activités diverses et dispersées dans l'espace et dans le temps implique pour ces personnes une violence physique et symbolique quotidienne. Elles jonglent avec des institutions et justifient leurs absences au rendez-vous tout en sachant que cet acte sera moins considéré comme une explication et une excuse acceptable que comme la preuve de cette nature marginale, supposée les amener à ne plus respecter les accords et les normes qui règlent les relations avec les autres. Elles convainquent les agents d'adapter des horaires, négocient, parfois en se battant avec leurs collègues, de la surveillance durant leurs absences des lieux économiques dans l'espace de la ville. De plus, épuisées en général par les conditions de repos difficiles et souvent insupportables, lieux sans intimité, peur d'attaque et de vol, elles tombent malades ou bien elles tombent sous l'effet d'un processus d'alcoolisation profonde ou encore sous l'effet de produits toxiques divers. Tout cela est proportionnel au vécu d'une fragmentation constante de leur vie quotidienne que ces personnes ressentent dans leur corps et expriment de manière récurrente. Elle l'évoque dans un récit où il n'y a pas de différence entre le corporel et l'identité de soi. Didier de Courbevoie avait 48 ans à l'époque où je le rencontrais, maçon temporaire, comme il s'est autodéfini, son travail et son logement, dit « Tu vois, nous sommes comme des marionnettes articulées. Tu connais ? Là, c'est l'estomac à 20 minutes d'ici pour manger. Plus tard, c'est la tête, au Rémi ou au CCH, on te prend la tête. Finalement, c'est toi qui dois rassembler les pièces, les morceaux, tu comprends ? Un moment, on ne peut plus, mais il le faut. » C'est l'image de leur corps fragmenté qu'ils cherchent à recomposer par un effort de routinisation de leur temps de vie. La sensation, il faut penser que la sensation de la perte de l'intégrité du corps conduit à l'idée de dissolution des limites de la personne. C'est pourquoi la sauvegarde du corps est la condition du maintien de soi, face au regard des autres, face à son propre regard. Alors il faut routiniser le corps, de manière à le conserver toujours présent et dans le temps présent. L'ici et maintenant est alors revendiqué, parce qu'il s'assure ainsi la continuité et l'efficacité du corps, pour ne pas devenir, et ça c'est le paradoxe, simplement un corps, un bios. Autrement dit, c'est l'entretien du corps et la maîtrise du présent qui permet le maintien de soi. Il s'agit d'une sorte, je dirais, de survie morale. Ceci non parce que l'on reste simplement vivant, mais parce que c'est le combat quotidien lui-même qui constitue la preuve de l'être au monde. Combat qu'implique un développement des savoirs et une réflexivité aiguë pour la résolution du jour au jour et le perfectionnement systématique des compétences préexistantes. Dans cette logique, le corps se marque, souffre. Cependant, la souffrance du corps rappelle la personne alors, en même temps qu'elle exige, paradoxalement, un stoïcisme plus sévère encore à travers son oubli. Les personnes sans abri se trouvent constamment dans un mouvement double. Il faut protéger le corps parce que c'est lui qui aide à supporter, mais dès que ces dernières commencent à se faire trop sentir, il faut le faire taire. La maladie et le malaise corporel sont la conscience du corps. Ils sensibilisent la souffrance endurée et raniment le temps biographique. La mise en silence de mots du corps, qu'on peut faire vraiment un jeu de mots, mots, M-A-U-X, mais M-O-E-T aussi, aide à fortifier l'aujourd'hui en retenant le passé et la mémoire, conditions à leurs yeux, pour pouvoir tenir et continuer. Dans cet suivi avec les personnes, où en réalité je n'arrivais pas non plus à finalement accéder à ce passé, mais à comprendre autre chose, lorsque je les suivais pendant les démarches quotidiennes, dans l'action, dans le ramassage par exemple, le reste du marché, la récupération des métaux, la manche, etc., dans toute cette activité économique, des morceaux de leurs histoires de vie ont quand même émergé, comme si parler de soi, c'est aussi agir et être dans l'action. Ces bouts d'histoire évoquent en général les conditions de travail et de vie souvent humiliantes des membres de leur entourage, que ces personnes conservent comme des enseignements exemplaires pour cela respecter et remémorer. Avec ces fragments de leur passé, se tissent des histoires sur leurs conditions de vie actuelles avec leurs collègues d'expérience. J'utilise le terme collègue parce que c'est un terme qui revient souvent. Des histoires où ces hommes à la rue soulignent surtout des exploits et des compétences, une sorte de mise en valeur continuelle de leur savoir-faire de la rue, où ils se vantent d'être des véritables stratèges autonomes. Jean-Christophe disait, en parlant de son père qui était mécanicien des tracteurs en Ille-et-Vilaine, « On ne nous croit jamais, on nous chasse de partout, on est considéré comme moins que rien. Mon père disait toujours, ils veulent qu'on crève. Maintenant, je pense la même chose. Il avait raison, les pauvres, personne n'en veut. Lui, il était ouvrier, il travaillait pour un patron, c'est toujours la vie des pauvres. Il n'avait pas le choix. Moi, au moins, je sais que je suis dans la merde, mais au moins, je n'ai pas de patron. J'ai tout mon temps, personne ne me dira ce que je dois faire. Fini. » Ces personnes s'efforcent alors de réintroduire ces fragments du passé, mais dans un récit du présent. Cela afin de s'en distinguer. Leur statut est valorisé. Le pauvre sans attache, le pauvre sans patron, celui qui se confronte à des épreuves insurmontables pour l'homme ordinaire. Je dirais un jeu apparaît omniprésent et s'impose dans les discours des hommes, leur permettant de vivre le maintenant sans limite, comme un véritable temps à soi. Ces hommes finissent donc par se définir par l'action présente, qui les instaure en observateurs et en juges extérieurs d'un passé qui est leur référence temporelle, mais dont ils cherchent pourtant à se différencier, ou dans lequel, je dirais, tel un écran miroir, ils veulent parfois simplement regarder ou se regarder. Alors, m'apercevant de ces traces biographiques du passé, j'ai cherché à ce qu'ils me racontent leur histoire personnelle parmi leurs proches. Ils ont toujours été très fermes par rapport au passé. Pourquoi parler d'avant ? J'existe maintenant. Tu voulais connaître ma vie? C'est maintenant ma vie. J'ai besoin d'avoir mes idées claires tous les jours. Si tu veux que je te raconte, je le ferai un autre jour. Mais c'est comme te raconter un film qu'on passe sur moi, mais comme un autre. Le passé est une autre histoire, insiste la plupart des personnes rencontrées. Le passé émerge à condition que ces personnes se racontent comme des autres. Leurs paroles montrent ainsi que c'est notamment sur le mode de l'altérité, sur le mode de notre, et non de l'antériorité chronologique, que se raconte leur histoire de vie. C'est alors que j'ai essayé de pousser leur récit pour que les personnes rencontrées me racontent l'histoire d'avant la grande catastrophe, avant les pertes que ces personnes avaient évoquées dans leur histoire initiale. La réponse ne s'est jamais fait attendre. Ah, mais ça, c'est encore une autre histoire. Je dirais que ces personnes privilégient une logique plurielle d'histoire, et cette multiplicité d'histoires peut, à un moment donné, émerger de manière simultanée et s'articuler selon la situation. Il n'y a pas rupture avec le passé, mais plutôt, je dirais, un autre rapport avec le passé. Cette sorte de temporalité multiple permet ainsi à ces hommes de se ressourcer sans être obligés de s'immerger constamment dans le parcours de toute une vie qui leur pèse lourdement. De cette manière, la réflexion sur les causes et les conséquences des différents événements qui articulent leur vie reste suspendue et n'interfère pas sur le présent vécu comme un bien exploité sans réserve. Je voudrais pourtant souligner que les personnes sans survie ne cherchent pas à ne pas être là, à se penser à l'écart de la réalité, comme on est habitué parfois à écouter, comme une forme d'évasion. Elles ne cherchent pas à tirer un trait sur la mémoire et font appel à leur capital identitaire, où au contraire, la mémoire n'est pas arrêtée, mais manipulée ou parfois uniquement suspendue pour faire place au présent, véritable temps de l'action, un temps productif, en mouvement, un temps finalement garant du passé et du futur, un temps qui produit du temps de vie. Tout ce parcours rapide que j'ai fait sur la temporalité des personnes rencontrées est dans un rapport indissociable avec l'espace comme dimension identitaire. Et ceci complète la compréhension de la lutte pour l'affirmation de soi des personnes sans abri, même si c'est difficile de le penser dans une situation de vie extrême. Ça sera le dernier volet exposé ici. Les réflexions des personnes rencontrées autour du passé et du présent, évidemment, rendaient compte de leur fragilisation en termes de liens, en tant que père, mari, fille, travailleur, etc., de par leur éloignement des groupes d'appartenance, de parenté, d'amis, d'anciens copains de travail, qui leur offraient évidemment autrefois une place sociale plus ou moins reconnaissable. Pourtant, cela ne signifie pas l'inexistence des liens vis-à-vis de ces groupes ou des individus composant ces groupes. Les fragments biographiques qui émergeaient des paroles des personnes sans abri m'avaient déjà alerté sur ses présences et ses appartenances. Mais ces appartenances devaient rester sous contrôle, surtout dans le registre narratif. Les exprimer, c'était les faire exister, car mettre en dialogue ou en relation différents acteurs, dans le récit signifie mobiliser les causalités, les repères, les justifications, et ainsi trop s'impliquer. Cela obligerait ces personnes à une révision de leurs histoires singulières et à se regarder d'un œil trop inquisiteur. Leur présence serait alors déstabilisée. Les mots à l'égard des liens avec des proches étant rares, je me suis alors posé la question de comment accéder à la connaissance de ces liens qui ne voulaient pas se raconter, et d'autre part savoir sur quoi repose la possibilité d'en parler. Partant de l'idée que l'établissement de la confiance est fondé sur la réciprocité, je me suis rendu compte que j'étais en dette vis-à-vis d'eux par rapport à mon propre récit de vie. Je devais me raconter à eux. J'ai commencé ainsi à leur parler de mes origines. J'ai immédiatement suscité un fort intérêt. En évoquant ma vie en Argentine, je suis argentine, je me présentais à ces personnes comme disposant aussi d'une certaine altérité. C'est alors que j'ai perçu un changement d'attitude vis-à-vis de moi. Cette modification s'est manifestée en premier lieu à travers leur usage de la langue. Elles parlaient plus lentement et lorsqu'elles utilisaient un mot d'argot, elles essayaient de m'en expliquer le sens. J'ai eu droit à toutes sortes d'explications sur les habitudes françaises ou d'autres. Mais ceci n'est pas uniquement une anecdote, car c'est grâce à cette situation d'échange que je me suis aperçu que quasiment pour la première fois, les personnes manifestaient une appartenance positive, une appartenance à un espace, en l'occurrence national. L'évocation de nos appartenances nationales, en ce cas, reléguait au second plan la distance existante entre nos identités sociales. Les personnes rencontrées n'étaient plus obligées de m'exposer une identité mutilée, ratée, étouffante. Partir d'une autre identité, dans ce cas de l'identité nationale, hein, c'est dans ce cas, leur permettait de se raconter sur un autre mode, de trouver une autre origine à leur récit. C'est ainsi que l'origine s'établit entre nous comme un de nos sujets de conversation. Peu à peu, les personnes sont passées à la valorisation d'une appartenance plus locale. Je suis clichois, je connais chaque coin de cette ville, je peux te raconter toute l'histoire du quartier, me disait Jean-Claude de Clamart, passionné et presque excité de s'ériger en producteur d'un récit qui pouvait l'intégrer comme un acteur de plus dans une histoire plus générale, l'histoire du quartier, l'histoire de la ville, l'histoire du pays. Les territoires utiles pour la vie matérielle s'est soudain empli de signes d'appartenance. On me dessinait maintenant l'ancien lieu de travail, le lieu de naissance, le cimetière où sont enterrés les grands-parents, la maison où habite une vieille tante chez qui les personnes sont hébergées de temps en temps, celle où des amis habitent encore. J'ai compris que ce qui attachait les personnes à leur territoire de vie et de survie n'était pas uniquement les différentes commodités, on pourrait dire, et ressources qu'elles pouvaient obtenir ici et là, mais surtout et plus profondément une histoire socio-affective et personnelle qui donnait sens à leur existence, à leur présence. Face à ces réactions positives et productives des personnes à l'égard de leurs appartenances territoriales, j'ai alors dirigé mon intérêt vers l'histoire des quartiers et des villes où les personnes se trouvaient ou de ceux auxquels elles faisaient référence. C'était aussi une manière de modifier, comme je viens de dire, le point de départ des discours des pertes de ces personnes et ainsi les intégrer par le récit dans le monde social ordinaire. Ces personnes ont ainsi abandonné la référence unique de leur identité sociale, l'homme sans attache. Ce sont les souvenirs des espaces d'appartenance ou les commentaires sur le changement à venir de ces espaces. Ce sont des personnes en général qui sont au courant de projets urbains locaux, parce que d'une part parce qu'ils sont là quand les urbanistes et les ouvriers arrivent pour le chantier, et d'autre part parce qu'ils savent que ces modifications, c'est la mise en question de leur installation et de leur présence dans ces espaces. Et c'est tous ces appartenances qui ont envahi leur récit. Ces espaces d'appartenance, tout le temps cités, sont porteurs des repères encore existants, déjà disparus ou modifiés. C'est toujours derrière ces lieux qu'ont émergé des souvenirs d'une expérience partagée avec quelqu'un d'autre. Des parents, des voisins, le patron, le collègue, le rival, etc. Ou des références à des événements dans lesquels leur individualité trouvait matière à s'inscrire dans une histoire collective. Alors là, j'ai eu droit à toutes les histoires des grèves de Lucine, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Quand De Gaulle est venu à Clamart, j'étais là, m'a dit Jean-Claude, un vieux, entre guillemets, habitant de Clamart. Nous pouvons dire que la temporalité biographique trouve son rythme à travers la matérialité de l'espace reconnu ou signalé comme propre. Une sorte, je dirais, de topographie de la mémoire. L'espace de survie semblait se fonder sur des interconnaissances préexistantes, souvent fragiles et très silencieuses, et sur la production des liens socio-affectifs comme condition logique pour y rester. L'occupation très localisée des espaces dans la ville parle d'une stabilité dans l'instabilité et l'incertitude inhérente, évidemment, à la situation socio-économique extrême des personnes sans abri. L'espace de la survie matérielle se construit sur des liens sociaux et est façonné par ceux-ci, à tel point, je dirais, que la satisfaction des besoins élémentaires de vie seront conditionnés par ces liens. Tout est imbriqué. Le lien ne prime pas forcément sur la nécessité, mais il n'y a plus moyen de les distinguer. Cette relation, donc, espace occupé et lien, est fondamentale. Elle récuse, je dirais, la définition de territoire comme un espace donné de lutte et de concurrence pour la vie, un espace conçu uniquement de manière utilitaire. Cette acception utilitariste du territoire, fréquemment appliquée aux personnes sans abri, les enferme en réalité dans une logique de survie purement matérielle, jusque dans le rapport qu'elles établissent avec les autres, et les appartenances plus symboliques ou affectives qu'elles expriment, les réduisant à des comportements uniquement calculés de vie matérielle. Ces appartenances discrètes, reliées à des lieux, produisent finalement un récit de soi. C'est dans ce mouvement que les personnes reviennent au lieu, c'est-à-dire à des espaces du vécu et à des noms propres. Et j'utilise le terme « revenir », parce que ces personnes, tout en me racontant leur histoire, m'ont fait faire des détours par certains lieux encore existants de leur passé, ou aussi par des lieux actuels, significatifs dans leur vie. Je me suis alors rendu compte qu'on revient au lieu pour en parler, même si ce trajet n'est parfois que de l'ordre du souvenir. Il faut revenir. En s'appuyant sur les lieux, ces personnes produisaient plutôt une synthèse entre passé et présent. C'est sur le lieu où se produit une collision entre autrefois et maintenant, il y a comme un choc, que ces personnes peuvent avoir un regard frontal sur leur mémoire de vie. C'est ainsi que se déclenche la recherche des événements marqueurs pour dater, situer, donner une temporalité. Chez les personnes rencontrées, perçues au premier regard comme sans espace, sans lieu, émerge alors une, je dirais, conception spatialisée du temps, qui fait de la lecture des lieux de vie, anciens, disparus ou actuels, le support de la remémoration. Le lieu intégré au récit devient pour ces personnes un espace d'identification avec elles-mêmes et avec les autres, une cartographie où le passé prend vraiment une densité. Cela leur permet de produire un récit continu de leur vie où les souffrances et les pertes passées dialoguent avec le bon vieux temps qu'il y en a eu et le désir de temps meilleur. Se forme ainsi une unité biographique narrative malgré les ruptures, grâce à la mémoire des lieux qui les insère dans un temps partagé avec les autres, proches et lointains, où le présent a aussi sa place. Parce que, comme Jean-Claude l'a dit une fois, les lieux ne bougent pas dans la tête. Une autre manière de dire qu'ils sont toujours là, présents, prêts à convoquer toute une vie. Pour finir, les déclarations d'appartenance locale de mes interlocuteurs et leur présence, je dirais vraiment récalcitrante, à travers des pratiques concrètes d'occupation et d'appropriation de l'espace public, espace d'interpellation fondamentale, valent comme souci de fonder une histoire propre et collective où leur biographie individuelle peut enfin émerger dans toute sa complexité. Le lieu offre un fil narratif au récit de soi parce qu'il est support social. Ce n'est pas seulement une question d'espace flottant. Le lieu fonctionne comme un document où la personne peut attester son existence pour elle et pour les autres. J'étais là, je connais ces coins, on me connaît ici. Ce qui prévaut ici, ce n'est pas uniquement un sentiment subjectif d'appartenance que, bien entendu, est présent. C'est surtout, je dirais, la conviction objective que leur est niée la reconnaissance du droit à s'installer, à se loger, à s'enraciner dans une communauté, tout d'abord dans la commune humanité avec toutes ses diversités. Par cette intervention, donc, j'ai voulu rapprocher les personnes sans-abri de notre regard, que le récit de leurs souvenirs, de leur savoir-faire, de leur présent actif mais incertain et de leur futur souvent différé, puisse éclairer même d'une manière discontinue les zones de partage qui souvent opaques à nos yeux et à nos sensibilités nous relient nécessairement elles et nous. Mais rapprocher de nous les personnes sans abri, c'est aussi mettre en évidence la distance entre elles et nous en droit, en justice évidemment et en reconnaissance sociale. Une distance, je dirais, intolérable mais étrangement acceptée, que le politique a encore et toujours du mal à honorer et, je pense, face à laquelle il s'est déshonore. Merci.